Et si c'était à refaire, je leur ferais, tu sais. Malheureux dans ta vie, garde ton succès. Bavure policière, contrôle musclé. Pardonner mes absences injustifiées. Oui, j'ai grandi dans la zone. Ah, tu vas passer le T-Max qui t'est. Oui, j'ai grandi dans la zone. Ah, oui, l'équipe est équipée. Dans la sacoche, jupe sans prohiber. L'argent, ça vient, ça part, faut profiter. J'ai passé toute la nuit à cogiter. Je vais te mentir, un jour, je vais y arriver. Habillé pour plus de 4 balles, all eyes on me. Posé sur l'avenue, je vois les filles qui passent en haut. Je vais pas en boîte, mais si j'y vais, je dans le carré VIP. Tellement ce lien est vite. Y'a pas qu'en vacances que ma vie, elle est magnifique. J'ai passé tout l'été à la cité. Ils parlent, mais c'est des fatigués. S'ils savaient combien de fois le start a évité, ils ne diront plus qu'à chaque fois ils sont calibrés. Tu sais, tu fais la haleine, t'es pas crédible. On t'a croisé dans l'hôtel du coin, t'es pas très discret. Mon destin, je l'ai pas choisi. Mais j'assume mon train de vie quand j'ai grandi dans la zone. Soit t'as le sens des affaires. Solitaire mais solitaire. Tu prends des risques pour remplir le frigidaire. On fait du sale, on n'est pas fier. Soit tu travailles, soit t'as le sens des affaires.